festival en chanson de Petite-Vallée. Ça se déroule du 27 juin au 5 juillet. Venez à la rencontre d'une quarantaine d'artistes, des découvertes, des têtes d'affiche et la mer à perte de vue. Fait que c'est un rendez-vous avec la chanson et l'accueil gaspésien. Moi, je serai là avec ma gang. OK, on passe cet été à Petite-Vallée. Rousse ou blonde? Laquelle choisir? Qu'elle soit rousse ou blonde, les bières de CKRL sont faites à partir d'ingrédients bio certifiés et réalisés par les maîtres brasseurs de la microbrasserie La Barberie. Les bières rousses et blondes de CKRL sont disponibles chez l'accommodation GD au 500 3e avenue à Limoilou, au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, maintenant situé au 469 rue Saint-Jean, au bal du Lézard au 1049 3e avenue à Limoilou et au bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballez sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Le 19 mai 2014, vous êtes avec Bärbel Reinke et je suis accompagnée de Marie-Hélène Vaugeois. Bonjour. Bonjour. Et de Cathy Bérard. Bonjour. Bonjour. On va passer l'heure et pour parler une bonne demi-heure de Romain Gary, l'autre centenaire cette année, et dont je voulais parler à l'émission parce qu'il y en a d'autres que, comme Bukowski, ça m'a pas tenté, je sais pas pourquoi. Il y a des centenaires de même, comme ça, on fait des choix. Fait, oui, c'est tout à fait éditorial. Et on va, Cathy Bérard, c'est un beau addon, connaît très bien son Romain Gary, mais elle a aussi écrit un roman qui s'appelle D'autres fantômes, dont on va parler dans la deuxième partie. Et Marie-Hélène Vaugeois m'avait dit au mois de février-mars, je pourrais pas participer à l'émission avant le prix des libraires, je vais être très occupée. Le prix des libraires est passé et c'est un beau addon. En plus, elle a été la libraire de l'année. Et je suis pas du tout étonnée. On va en parler de ça aussi tantôt. On va faire une petite pause musicale et on vous revient avec Romain Gary. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord et on va tout de suite rentrer dans la vie de Romain Gary qui est né le 8 mai 1914, donc il y a très exactement 100 ans. Il s'est donné la mort le 2 décembre 80 et il est né en Lituanie. À l'époque, ça faisait déjà partie de la Russie. Il a vécu en Pologne. Et à 14 ans, il est arrivé à Nice, en France. Il a été élevé par sa mère seule. Et ce rapport à sa mère et aux femmes en général va imprégner pas mal toute son œuvre, mais oui. aussi sa vie comme homme qui est poussé à réussir. Il va devenir soldat, il va être dans la résistance, il va devenir diplomate pour la France, mais il va aussi être un écrivain qui écrit sous plusieurs noms, et c'est le seul et unique qui a gagné deux fois le prix Goncourt, chose qui se peut pas officiellement, mais on a juste su après sa mort qu'effectivement, Émile Ajar, c'est Romain Gary. Trop tard pour lui retirer le prix. C'est comme ça. Les deux noms principaux, là, autant Romain Gary, qui n'est pas son nom de naissance, en vérité, il s'appelait Roman Kachev. Romain Gary, autant qu'Ajar, veulent dire brûler ou braise. Ça aussi, je pense, c'est une idée qu'on retrouve dans l'œuvre. Nous sommes trois ici à avoir relu certaines œuvres. On commence avec quoi, Cassie? Je pense que toi, t'avais lu La promesse oui. de l'aube, parce que je pense que ça place pas mal le début de vie. Hein? Oui, ben en fait, c'est surtout La promesse de l'aube, c'est surtout sur la relation avec sa mère. Donc déjà, si on s'intéresse un peu, bon, à la vie de l'auteur, puisqu'on n'a pas le choix de s'intéresser, je crois, à la vie de l'auteur avec cet auteur-là qui a vraiment fait sa vie une fiction. Mais ce rapport avec sa mère est un rapport à la fois un amour inconditionnel et en même temps très conflictuel, puisque cette mère-là semble être si intransigeante que finalement ça va un peu couper sa liberté, mais en même temps, ensemble, c'est comme si c'était deux faibles qui essayaient de résister contre la puissance des forts et la puissance de la misère, la puissance de la pauvreté. C'est comme ça que je le vois et qu'on a aussi analysé cette œuvre-là. Et puis, je trouve que ce rapport-là est vraiment fort. Puis j'ai le goût de vous lire une citation, oui. peut-être. Alors, il dit « Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus, on regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. » C'est le même extrait que moi j'avais mis sur une feuille pour la lire. Les grands esprits se rencontrent. Je pense que ça résume pas mal ce qu'on retrouve dans cette œuvre-là. Et il y a comme deux choses qui me frappent avec Gary. Bon, d'abord, je l'ai dit déjà hors d'onde, pour moi, Gary, c'est comme le côté sombre du personnage. Mm-hmm. Et Ajar, là, on trouve quand même un brin d'optimisme. C'est pas Jojo comme univers, mm-hmm. mais il reste que... Mm-hmm. Ça finit bien, au moins, oui. d'une certaine manière. Ça finit sur des notes plus positives que mm-hmm. que la noirceur complète. Ben déjà, moi, je voyais une inversion. Processus d'inversion, il y en a beaucoup dans l'œuvre de Gary, puis il y en mm-hmm. a une dans La promesse de l'aube par rapport à la vie devant soi qui est oui. d'Émile Ajar, qui, mm-hmm. justement, qui à la fin de La promesse de l'aube, bon, il est parti à la guerre et il continue à recevoir des lettres de sa mère. Mais ensuite, il revient, il se rend compte que sa mère était morte avant, mm-hmm. bon, et qu'il n'a pas été avec elle. Donc, c'est un peu ce qui est négatif dans la vraie vie. Oui. Mais alors que dans la vie devant soi, ben, Madame Rosa, qui est un peu la mère protectrice du petit Momo, il va l'accompagner dans la mort jusqu'à la fin. Il va être avec elle. Et au-delà. On voit là, peut-être le côté positif qu'on retrouve peut-être pas dans... Mais peut-être qu'il se rachète un peu avec le devis de la vie devant soi. Mm-hmm. En tout cas, moi, je l'avais lu un peu comme ça. C'est comme des excuses qu'il fait après coup à sa mère. J'aurais dû être là avec toi. Et autre chose qui... J'étais pas consciente de ça quand j'ai lu Romain Gary en allemand il y a très, très, très longtemps. Genre il y a 30 ans. Mais qui a... En France et ici au Québec aussi, comme un regard sur Gary comme si c'était de la littérature populaire, pas sérieuse. Je rappelle l'article, il y a pas cette fin de semaine, la fin de semaine avant, de Gilles Archambault dans Le Devoir, qui m'avait jeté à terre. Et après ça, j'ai fait une recherche, j'étais pas du tout consciente de ça. On crache un peu sur lui. Mais je crois que toute son histoire d'amour, entre autres avec Jane Seberg, il y a son côté un peu people que justement Gilles Archambault l'a rendu snobé par ses pères. Pourtant, quand on le lit, c'est très... Ça n'a pas de raison d'être, mais effectivement, je crois que tout son côté vedettaria, son extravagance des cheveux, tout ça, l'a rendu le personnage peut-être plus grand que son écriture, finalement, malheureusement. Bon, ben justement, son besoin que sa mère lui demandait de devenir célèbre aura peut-être nuit à son écriture, peut-être. Je sais pas. Pensez-vous que ça serait encore comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand même, on est très dans la pipelisation. Tout à fait. De la littérature, non? Avec qui il sortirait aujourd'hui? Moi, hier soir, j'ai écouté Tout le monde en parle et on a vu, c'est comme un best-of des 10 dernières années et je pense avoir vu au moins en 6 reprises Dany Laferrière. Exactement. On ne l'aime pas moins. Ouais, on ne dirait pas qu'il n'écrit pas bien ou... En même temps, c'est dur de s'imaginer parce que c'est tellement la trace qu'il a laissée ensuite dans la littérature par son double et toute cette supercherie autour de lui. Moi, j'ai de la misère à le voir autrement, qui est comme un mythe, là, comme une espèce de légende. C'est sûr que j'étais pas là dans ces années-là, j'ai pas vécu directement, mais pour moi, c'est comme une trace de littérature, donc ça s'inscrit dans le littéraire, dans tout ce que la littérature a de pouvoir, d'imaginaire. Mais à l'époque où ça sortait, Mais je crois qu'il était déjà même une légende à l'époque. D'ailleurs, sa mort est une légende, puis la mort de Jane Seberg aussi. Il a créé justement. Puis d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que dans tous ses livres, finalement, il se raconte totalement, comme on le disait tout à l'heure, dans La vie devant soi, dans Gros câlin, Les cerfs-volants, c'est lui encore. Claire de femme, c'est lui vieillissant. Donc, il s'est raconté. Au-delà de cette limite, votre étiquette n'est plus valable. Son suicide est annoncé, clairement. C'est ça. Clairement, il y a de ses refus de vieillir aussi. Mais dans La nuit sera calme, qui est plus essayistique, là même, il fait des références au fait qu'il va partir bientôt, ses œuvres posthumes, et puis il dit que la nuit sera calme, c'est la parole que les pilotes se disaient avant de partir en mission. Okay. Et La nuit sera calme, ça arrive en 74, donc directement après ça, il tombe dans Aimé la genre, donc c'est comme si c'était une mission, puis... ça allait. C'était sa première mort. Est-ce que ça va mener à la mort ou quel va être le destin de cette mission-là? Ben, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait déjà des traces. Puis c'est essayistique, donc le discours est autre. Et vraiment, c'est un jeu qui s'accepte comme je suis l'auteur et tout ça. Alors qu'on peut quand même croire derrière les autobiographies qu'il y a de la fiction romancée. Je pense qu'il prévoyait. D'ailleurs, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il passe du « je » au « il », où il crée continuellement un flou. On sait qu'on est toujours avec lui, mais des fois, il se regarde de l'extérieur. Et des fois, dans les moments de fusion avec cette jeune femme qui est en amour avec lui, il devient « je ». C'est au moment où la femme est avec lui qui devient un « je ». Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, le moment où ça arrive. Et je ne suis pas sûre qu'il était tout à fait conscient quand il a écrit ça, parce que ça arrive, ça dure 2 phrases et c'est fini. Mais c'est drôle, avec lui, l'œuvre est tellement puissante qu'on a l'impression que c'était tout calculé. Puis après ça, quand on y repense, mais c'est possible de calculer autant l'œuvre, l'impact que ça va avoir, les inversions, les références les unes aux autres, t'sais. Mais au fond, quand on le regarde par après, tout le chemin qu'il a fait, on voit là une grande cohérence. Là. Tout à fait, effectivement. Est-ce qu'on y va un peu, je sais pas, est-ce qu'on y va un peu par l'œuvre ou... Moi, je proposerais, on fait une petite pause musicale tout de suite et après, on arrive un peu à parler d'un livre à la fois. OK, c'est parfait. Ça va? Oui. Thank you. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours avec Barbe Ranke, Cassie Bérard et Marie-Hélène Vaugeois. Et là, on s'est dit, bon, on va présenter un peu Gary par son œuvre et on va commencer avec Gros Câlin, qui est déjà... Ça date des années 70, mm-hmm. sous le nom des Mélageurs. C'est le premier Mélageurs. Oui, 74. Tout à fait, exactement. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un homme seul qui vit avec un serpent dans un appartement parisien. Et son serpent, il doit le nourrir d'une souris. Mm-hmm. Mais la souris, il ne peut pas la sacrifier puisqu'il s'est attaché à elle, autant qu'il s'est attaché à son serpent. Et il a une fiancée avec qui il prend l'ascenseur tous les jours. En gros, c'est un livre sur la solitude, sur la profonde solitude, mais de gens entourés, donc la solitude de la ville, finalement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cassie. Oui, puis en fait, le point fort de ce roman-là, ben en fait, de tous les Hajards, là, c'est vraiment le langage. Là. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est un peu... c'est un personnage qui ne comprend pas du tout le monde comme il est d'une grande naïveté. Ouais, en fait, c'est un enfant adulte. Ou, Absolument. Puis c'est comme si la communication était manquante entre lui et les gens. Bon, ses collègues surtout, en fait, il va être un peu la risée de ses collègues, alors que lui, bon, il voit que élever un piton à Paris, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais il voit tout au premier degré, d'ailleurs. Il comprend pas la subtilité des mots, il comprend pas. Et d'ailleurs, des fois, il s'identifie à son serpent. Il devient serpent, il devient... C'est assez particulier. Oui, rapidement, à travers le langage, on voit que, bon, on parlait tout à l'heure du jeu puis du huile qui se mélangeait. Ici, c'est clairement l'humain qui se mélange à l'animal tranquillement. On se demande, ben, qui est le serpent entre les deux? Est-ce que le personnage, c'est finalement le serpent? Est-ce que les deux sont... Est-ce que le serpent existe? Exactement. Est-ce que c'est une invention totale parce que je suis un être solitaire, donc il me faut une présence? Et j'ai trouvé dans mes recherches, ça m'a assez renversé de savoir que la version de 74 est dans le fond le dernier chapitre du roman est manquant dans la version originale. C'est pas la même version que ce qu'il avait proposé à ses éditeurs. Okay. Et il semblerait que le dernier chapitre contient un message éblouissant qu'on manque si on n'a pas ce chapitre-là, qui est vraiment sur le besoin de communiquer à la fin le personnage de Cousin, qui est le narrateur. Semblerait que dans le dernier chapitre, il proclame son premier acte de langage devant une foule en tant que serpent. Il leur dit je vous aime, et ce serait ça son acte de langage. Et les éditeurs n'auraient pas compris à quoi servait ce chapitre-là et auraient demandé de le couper. Ouais. Donc, il est réapparu dans les versions à partir de 2007. Là. Moi, j'ai pas cette version-là, j'ai vraiment la version originale. Attends, moi non plus, je l'ai pas d'abord. OK, et puis, le but de Gary à travers ça, c'était vraiment de montrer que c'est à travers la littérature, le langage, qu'on peut arriver à communiquer, puis à fraterniser, puis à retrouver, bon, communiquer notre amour, que la littérature a ce pouvoir-là, mais ça n'a pas été compris par les éditeurs. Déjà, dans le processus d'édition, il y a un gros paradoxe de l'incommunicabilité. Il faut dire que c'était un auteur qui ne pouvait pas aller se présenter pour leur expliquer. Donc, il a accepté de retirer les choses. Exact. Il a accepté pour ça de retirer. Mais son neveu, est-ce qu'il a été tout de suite quand... Parce que son neveu qui a fini par personnifier Mélageurs, est-ce qu'il a été présent des gros câlins ou c'est lorsqu'il a gagné après le Goncourt? À cause du Goncourt de faire. Là, avec les médias, c'était comme devenu obligatoire d'avoir une présence. Il fallait y aller pour aller chercher. Non, c'est ce qui me semblait aussi, mais j'ai comme eu un peu. Est-ce qu'on fait un peu un retour sur La promesse de l'aube? Je sais qu'on y va vite, Cassie. Ouais. Voudrais-tu nous faire un survol un peu plus profond? Là? On en a parlé un petit peu, La promesse de l'aube, mais aussi pour placer un peu l'œuvre plus jeune. Là. Tu sais, ça a été écrit quand? Ouais, dans les années 60, je pense? En 60. Et puis, c'est sûr qu'avant ça, il y avait eu Éducation européenne et Les racines du ciel qui avaient remporté le premier Goncourt. On n'a pas relu personne? Non, malheureusement. On n'a pas le temps de toutes les relire. Mais c'est sûr que c'est toujours lié à la guerre puis un peu à la barbarie, là, finalement. Mm. Puis la guerre est aussi présente dans La promesse de l'aube, mais c'est comme s'il arrivait à survivre par justement le rapport avec sa mère. Donc c'est vraiment comme une autobiographie mais romancée. Et donc il met de côté dans cette autobiographie là bon son père qui aura pas de rôle important alors que dans sa vraie vie il aurait été là dans les 12 premières années quand même, il aurait pu avoir une influence. Il met de côté l'épouse qu'il avait en 44 jusqu'en 60, c'est comme si elle existait pas, et il fait de sa mère un peu le centre de son existence. Donc ça va être vraiment sa relation avec sa mère, comment elle a eu une influence, comment elle l'a poussé à devenir célèbre, à quel point elle voulait qu'il devienne quelqu'un. Et fait que tout le mérite finalement et toute la condamnation à la gloire lui revient. Oui, absolument. Puis en même temps, c'est un peu comme un hommage à cette mère-là qui a permis que les choses arrivent. Mais c'est ça. Donc, ils travaillaient ensemble à partir de l'identité qu'il y avait, eux, qui étaient personne, puis elle voulait la gloire. Puis je retenais une autre petite citation du livre qui parle de son pseudonyme, justement, parce qu'il était avec sa mère à la recherche de pseudonyme parce qu'il fallait absolument changer de nom pour devenir quelqu'un. Oui. Et il dit « L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. » Donc, je trouvais ça vraiment drôle parce que c'est un peu ça. Dans le fond, il a joué constamment avec des pseudonymes, mais à partir d'un moment, ben, on peut devenir célèbre, mais il faut aussi passer à l'acte. Oui. Et ben, on peut dire qu'il a passé à l'acte, je pense, avec Égarie, toutes les œuvres qu'il a. Oui, exactement. Égarie était quand même aussi le nom d'actrice de sa mère. Oui, oui. Ça fait qu'il y a quand même une filiation dès le départ. Faut pas passer à côté de la vie devant soi. Je pense que c'est ça ce qui se lit encore dans les écoles. Ma fille de 17 ans en secondaire 5 cette année l'a lu. J'étais très heureuse de savoir ça au cégep aussi. Très contente que ça se lit encore. Moi, ça a été une relecture, cette histoire du petit Momo qui grandit chez une ancienne prostituée qui prend des enfants de prostituées en charge chez elle, qui s'en occupe, qui devient de plus en plus obèse, cardiaque, malade, incapable. Et avec ça, les enfants se font de plus en plus rares, donc la source de revenus se fait rare. Et ce petit garçon-là qui a un langage tout à fait savoureux, parce qu'il y a surtout ça, et qui va passer dans une journée de 10 ans à 14 ans. Ça, c'est un très beau moment aussi dans le livre, parce qu'on voit la langue changer. Du coup, le moment où il s'en rend compte qu'en vérité, il y a 14 ans, il devient un garçon de 14 ans. Et ça, c'était tantôt, on parlait de la force de la langue dans Émile Ajar. Et je pense que La vie devant soi, c'est un très bel exemple pour ça. Là. Ah oui, c'était... Moi, je l'ai lu, j'avais quoi, à peu près 20 ans, justement. C'est un livre qui m'a marqué. Puis il y a peu de livres que je considère qui devraient être obligatoires dans une vie, mais celui-là, me semble qu'il doit être lu... soit à l'école, mais soit pour le plaisir au début de la vie adulte. Parce qu'il nous apprend à être humain, il nous apprend à... C'est vraiment un très... Le langage, comme tu dis, est tellement beau, là, c'est de... Et moi, étant allemande, je dirais aussi, il montre aussi qu'il peut avoir une vie après la Shoah. Tout à fait. Oui, parce que c'est... Après l'Holocauste. C'est un mélange de... Madame Rosa aussi. Qui est juive, Momo est musulman, est arabe. C'est tout ce mélange, c'est les Nations Unies dans un petit appartement. Oui. Exactement. Et ça, là, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est un livre. Je suis contente qu'il est encore aux études. C'est ça. Oui. Toi, tu dis rien, Cathy. Je vous écoute, vous êtes bonne. Ça fait un petit bout que je l'ai lu, mais je trouvais particulièrement que la force, encore une fois, moi, c'est vraiment dans le langage avec Ajar. Puis c'est ce qu'on reprochait, je pense, j'avais lu qu'on méprisait aussi son œuvre parce qu'on reprochait qu'il maîtrisait pas la langue française assez bien dans ses œuvres de Gary. Et il a décidé de jouer avec ça, justement, de faire des contresens, de faire de ses maladresses, les réelles maladresses de ses narrateurs, et ça les rend tellement humain. C'est vraiment... c'est des œuvres, je dirais, humanistes, là. Donc, c'est vraiment sur le pouvoir des relations qui permettent de résister au mal autour de nous, à la misère et... Oui. Non, c'est ça. Et ça fait pleurer à la fin. C'est tellement mon beau. Dieu, oui. Moi, je le vois sur ta pile et je suis très curieuse. Je ne l'ai jamais lu, Les cerfs-volants. Écoute, ça a été une découverte parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Les promesses de l'aube. Mais moi, j'ai lu la biographie de Dominique Bonnat il y a plusieurs années où elle fait beaucoup, beaucoup référence aux promesses de l'aube. Et je m'étais toujours dit, oh, faudrait que je le lise, mais en même temps, je sais que c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'avais moyennement envie de le lire. Ce sujet-là m'intéressait moins. Et je commence Les Cerfs-Volants, qui est finalement un superbe livre sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est un triangle amoureux entre un Français, une Polonaise et un Allemand. Donc, déjà, toute la mise en situation est assez intéressante. Et cet enfant-là, il est élevé par son oncle qui est pas obsédé, mais qui est traumatisé de la Première Guerre mondiale. Il se met à faire des cerfs-volants, mais des cerfs-volants pour la paix. Donc, il va prendre des grandes figures de la paix de cette époque-là pour illustrer son cerf-volant. Mais on se méfie tellement de lui que pendant la guerre, on lui demande, plus la guerre avance, moins il a le droit d'avoir ses cerfs-volants haut dans le ciel, jusqu'au moment où il met, sept cerfs-volants avec des étoiles jaunes dessus dans le ciel. Donc, il est entouré d'enfants. Il y a des moments de ce livre-là, il y a des moments où tu frissonnes. Il y a des grandes... J'avais vraiment, je branlais, j'avais des grandes poussées d'émotions qui me passaient parce que c'est d'une beauté incroyable et ça raconte la guerre d'une manière un peu poétique. C'est vraiment très, très, très beau. Puis c'est ça, la Polonaise, elle vient d'une grande famille. C'est très drôle parce qu'à un moment donné, le père de la jeune fille perd tout son argent. Mais il explique, « Ah, mais c'est pas grave parce que de toute manière, il n'y en a pas d'argent, c'est juste prêté. » Il y a un passage très drôle où il explique, « Ben, de toute manière, il est rendu tellement endetté qu'on est obligé de l'aider parce que sinon, on perd tout notre argent. » Mais ça fonctionne comme ça, dans l'économie aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il dit, il a été le premier à inventer ce système-là. Et là, je riais beaucoup en lisant ce passage-là, mais c'est ça. C'est vraiment un livre sur la guerre, mais sur la paix aussi. T'as une espèce de cuisinier, c'est très drôle parce que c'est ça, c'est en France, et lui, il est très bonne bouffe, grande gastronomie. Et là, il est très content parce que les Allemands, il aime sa nourriture. Donc, son resto, il continue à être rempli. Lui, sa résistance, c'est de faire de la bonne bouffe française, de la bonne fierté française. Et quand la guerre finit, que les Américains arrivent, il se dit, mais là, c'est fini pour moi parce que les Américains comprendront jamais rien de la bouffe française. Et encore là, t'as un personnage de prostituée qui sauve le monde en couchant avec... Les prostituées, il y en a partout. Dans tout son œuvre. Oui, hein? Je pense que presque tout. Tu sais. Même dans Claire de femme, qui est l'histoire d'amour en une nuit entre un homme et une femme, parce que lui, sa femme, vient de mourir. Mais c'est pas une prostituée, mais encore là, c'est une relation très, très courte. Donc, je pense qu'effectivement, c'est presque partout. Oui, c'est pas partout. C'est ça serait à analyser. À un moment donné, c'est un projet, je pense, pas mal aussi de doctorat. Moi, j'avais lu « Au-delà de cette limite, votre étiquette n'est plus valable », l'histoire de ce vieux... industriel, pas un grand industriel qui, dans le fond, en faillite physiquement et il n'y a plus d'argent non plus. Il est vraiment en faillite sur tous les plans, mais qui est avec une très jeune Brésilienne qui l'aime. Il s'aime vraiment. Il y a quelque chose de très véritable, mais lui ne veut pas aimer s'il ne peut pas l'aimer physiquement. Et on va le suivre dans cette obsession parce qu'elle, dans le fond, son fou un petit peu, prend même sur elle que c'est de sa faute, ça c'est assez terrible mais un gros classique et ce gars-là va essayer de, bon il va vendre son entreprise ou au moins l'essayer pour mettre son fils, son ex-femme à l'abri va tout essayer pour rester le jeune homme qu'il était. Il n'y arrivera pas. Ça va aller au point que, justement, il va aller rencontrer une vieille prostituée et il va lui demander de trouver quelqu'un qui le tue, lui. Et là, on ne sait pas comment ça finit, mais il y a vraiment cette... Il veut pas se donner la mort, question d'assurance, justement, pour mettre à l'abri sa famille, mais il veut que quelqu'un le tue. C'est très... j'ai rarement lu quelque chose d'aussi déprimant sur la vieillesse, sérieusement. Il a écrit ça à peu près à la même époque que La vie devant soi. C'est écrit en même temps. Et c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est fou, hein? Ça passe vite. On a quand même parlé de quelques œuvres. Oui, il y en a encore tellement d'autres. Qu'est-ce qu'on laisse comme conclusion? Qui a la phrase punchée? Je pense qu'il faut le lire. Hein? Je pense que c'est ça. On fait une petite pause et on revient avec Cassie Bérard. C'est KRL. 89.1. Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Je te collerai aux fesses comme des shorts. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours avec Berdrinck, et je suis maintenant avec Cassie Bérard, qui est là comme Cassie Bérard, auteur. Bonjour! Elle a mis un autre chapeau. Bonjour Cassie, tu as publié un roman qui s'appelle D'autres fantômes chez Druide. Oui. Un roman qui... Je vais essayer de le résumer dans trois phrases. C'est bon. On se lâche un défi. On n'est pas un défi prêt. Il y a Albert qui va prendre le métro comme à tous les matins, et le métro arrive, une jeune femme saute devant le métro. Ça pourrait rester comme ça, mais non. Albert va partir complètement traumatisé et il va aller à la recherche de toutes ses morts et de tous ceux qu'il a perdus. Il ne sera pas capable d'en parler à personne de vivant, surtout pas à sa femme, ma chérie. Et il va être à la recherche de sa mère qui vient de décéder, de son grand-père qui est mort très longtemps, sa sœur Juliette qui est partie très jeune au Québec. Le roman joue à Paris, il faut le dire. Et il y a d'autres perdus où on ne sait même pas s'ils sont fantasmés ou s'ils existent. C'est-tu à peu près ça? C'était pas trois phrases, hein? Trois phrases pour résumer 420 pages. C'était un défi. Tu es une très jeune femme. Comment on arrive à parler d'un sujet si grave à ton âge? Je sais pas, c'est gros la mort quand même. Et ça, ouais. C'est la mort mur à mur, là. Oui, oui. Je pense que... On arrive à évidemment il faut avoir un peu connu ce que c'est le deuil, mais comme tout le monde je pense, mais j'ai beaucoup lu, il y a beaucoup d'influences littéraires derrière ça, et entre autres Romain Gary quand même. Ouais. Et, mais aussi un peu de Pénac, hein. En tout cas, je le sentais aussi. Il y en a beaucoup, sont surtout françaises, donc c'est pas anodin que ça se passe à Paris. Mais je sais pas comment on peut expliquer. Je pense que j'ai une grande conscience de la mort, puis que ça me touche beaucoup. Mm-hmm. Puis c'est un sujet que je comprends pas non plus, donc je l'exploite par la fiction, parce que c'est pour moi la meilleure façon de le faire. La manière, faut dire que t'es au doctorat, t'es sur le point de remettre ta thèse de doctorat en recherche-création, et ton sujet, c'est la narration non fiable. Dès que c'est. Il y en a plus qu'on se l'imagine dans la littérature, parce que on appelle pas ça la narration non fiable habituellement. Là, on va trouver que c'est un narrateur qui nous parle, mais qu'on a peut-être de la misère à croire ou qu'on veut pas complètement se fier à ce narrateur-là parce qu'on voit bien qu'il y a des troubles ou etc. Donc c'est, il y a différents types là quand même ben il y en a qui sont volontairement non fiables. C'est un peu la différence que je fais dans mon doctorat. Les volontairement non fiables, donc ils vont vraiment vouloir jouer avec le lecteur, le manipuler. Puis c'est ce que t'as voulu faire? Non, pas du tout. et il y a les inconscients. C'est peut-être plus là que se trouvera Albert, parce qu'en fait, c'est qu'il va être tellement troublé par une situation qu'il perd ses repères dans la réalité. Il il est pas capable de concevoir le monde comme il l'est réellement parce qu'il est troublé. Ça peut nous arriver tout le temps. On sait pas ce qui nous attend au coin de la rue et qu'est-ce que ça peut venir changer sur nous et notre regard par rapport au monde. Donc, c'est un peu là. Donc, je dis pas qu'il faut absolument pas se fier à ce narrateur-là, mais il faut prendre une distance par rapport à ce qu'il nous dit, parce qu'on le sent. On le sent perturbé, on le sent fragile. Ben, il perd le sens de la réalité, mais il perd le sens. Justement, je me souviens plus combien il y a d'enfants, mais il y en a 3-4 certains. Il y a une femme, ils oublient complètement. Ils oublient de rentrer manger. Ils oublient... Je pense qu'il oublie d'aller travailler. C'est ça. Il devient tellement obsédé par sa quête de savoir c'était qui cette femme-là que effectivement, on le sent au fil du récit, d'ailleurs, perdre de plus en plus... En même temps, c'est pas par son regard à lui nécessairement qu'on se rend compte de ça. On est tellement dans sa tête qu'on le suit, mais il y a des petites références de certaines personnes qui vont faire que... Ah, OK, il était censé aller travailler, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas travaillé. Non, mais c'est ça, parce que tant qu'on est avec Albert, on ne comprend pas qu'il est en dehors de la réalité. C'est quand, effectivement, il rencontre sa sœur, quand il revoit sa femme, qu'il lui dit « ce serait le fun de te voir à un moment donné », là, on comprend que... C'est pas mal, c'est écrit. C'est là qu'on comprend qu'effectivement, il a déconnecté de la réalité, mais complètement. Puis quand dans ses souvenirs aussi de la mort de sa mère, puis de... Et l'histoire de sa sœur, moi, à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle n'est pas là. Là, j'ai compris que vraiment, quand j'ai lu après, que finalement, ce que tu as essayé de faire, c'est appliquer cette narration non fiable d'une certaine manière, ou que ça se joue aussi ton doctorat dans la thèse. Là, je me suis dit, peut-être ce doute, parce qu'à un moment donné, j'étais plus sûre. Es-tu vraiment là ou il la fantasme là parce qu'il a besoin d'elle là maintenant et en vérité, elle n'est plus là? En tout cas, moi, je me sentais avec ce personnage-là un peu... Mais je trouve ça vraiment une analyse intéressante parce que c'est le genre de truc qui se passe dans l'inconscient de l'auteur là, et qui est un peu la liberté du lecteur de voir ces références-là. Donc, je peux pas parler pour le personnage de Juliette. Je pense que ça va être à chacun de savoir s'il est là ou non. Mais par contre, je dirais que c'est pas une application de la théorie de la narration non fiable. C'est en l'écrivant, celui-là, que je me suis intéressée à la narration non fiable et que j'ai poussé des recherches ensuite. Donc, c'est vraiment à partir du roman que je me suis intéressée au phénomène et que j'ai lu beaucoup après dans d'autres romans et que j'ai reconnu des points de rencontre avec d'autres livres. Ça fait que c'est d'autres fantômes qui t'a apporté ton sujet de... Théorique, oui. Théorique. Ben, d'autres fantômes fait partie de ma thèse, c'est la partie créative, et ensuite j'ai une partie théorique qui un peu la suite finalement, mais ça fait que tu vas soumettre aussi ce roman, il fait partie de ton doctorat. De mon doctorat de 600 quelques pages. Et ça pose pas de En plus, 600 quelques pages en plus? Ça fait que t'as quand même un 200. Est-ce que excuse-moi de m'intéresser autant à ton doctorat. Ta théorie, est-ce que tu y vas plus sur ton propre livre ou tu y vas vraiment là, tu... Je touche pas du tout à mon livre, j'en fais jamais référence. Je m'intéresse à l'emploi du temps de Michel Butard, qui est vraiment mon exemple le plus important. Et je m'intéresse... au ciel de BCT de Catherine Mavrikakis. Je m'intéresse à deux livres de Tanguy Viel parce qu'il met des narrateurs non fiables dans presque tous ses romans. Tanguy Viel, qui est un auteur français contemporain. Je m'intéresse à Gros câlin de Romain Gary. Donc, par petite dose comme ça, mais vraiment l'emploi du temps qui est riche. Si vous avez un livre à lire, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. OK. Alors, c'est ça, je m'intéresse à d'autres livres. Et puis, à la fin de tout ça, j'ai une conclusion qui est une réflexion. Là, je reprends le ton de l'auteur et de l'essayiste et je fais des liens avec Henri II. Mais c'est deux parties individuelles qui ont des résonances, mais thématiques, mais jamais ils réfèrent l'un à l'autre. Vraiment, je trouve ça super intéressant comme projet. Je te souhaite bonne chance et vraiment une très bonne note. parce que c'est audacieux pour vraiment là, comme projet de universitaire, autant que ce livre-là, quand même, qui est très intéressant aussi. On a parlé d'autres fantômes de Cassie Bérard chez Druide. Merci, Cassie Bérard. Ça m'a fait plaisir. On va faire une petite pause musicale et on revient avec le prix des libraires. De retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbara Rank et avec Marie-Hélène Vaugeois, mon lieu d'échange préféré. Tout à fait. Oui. Félicitations pour ce beau prix que tu as gagné. Merci. Moi, je ne savais pas que tu étais nominée. J'allais cacher, hein? Oui, quand je t'ai envoyé un commandé, j'ai envoyé un courriel. Tu prends un peu plus de temps sur le prix des libraires que prévu. Ben oui. Comment on fait ça? Devenir, parce que j'apprends des bonnes, là. Je pensais que c'était tes pères qui t'ont proposé, qui ont dit, elle est bonne parce qu'il faut, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut, c'est à nous à remplir notre dossier, mm-hmm. ce qui me semble un peu égoïste, en tout cas, moi qui me semblait un peu égoïste. Mais, effectivement, quelques jours avant la remise du dossier, je parle avec mon conjoint, je dis, telle personne va sûrement remettre sa candidature pour le prix, mais là, il faudrait que tu la remettes aussi, voyons donc. Le lendemain, j'ai un message de quelqu'un d'autre qui me dit, là, je te souhaite de gagner ce prix-là. Puis je fais, mais j'avais pas intention de participer. Et le lendemain, j'ai encore une troisième personne. Et là, j'ai fait, OK, c'est beau. Quand ça arrive trois fois, Trois fois. Mais il me restait trois jours pour avoir des lettres d'appui. Et il fallait que je fasse mon dossier qui faisait minimum 5 pages. Il fallait que je refasse mon CV. Donc on travaille depuis une couple d'années, c'est dur de refaire son CV. Non, c'était très dur, mais heureusement, je savais que ce qui était important, c'est la dernière année. Donc, je me suis vraiment concentrée sur la dernière année. Donc, mon passage au bouquin d'abord au mois de janvier. Qu'on a pu contribuer. La commission parlementaire, le lancement de Cassie Bérard. Entre autres. Donc, ça m'a permis, toutes ces choses-là m'ont permis de faire mon dossier. Et je vais avouer que les lettres d'appui sont arrivées avant que j'aie fini de faire mon dossier. Donc, ça a été la motivation pour terminer, parce qu'à un moment donné, il reste 12 heures avant de remettre. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui, d'après moi, les avaient déjà dans un tiroir. Il faut qu'elle y aille. Là. Ça a été une grosse semaine parce que les lettres d'appui ont été très, très émouvantes à lire. Là, je les lisais, je les recevais après l'autre. OK, toi, tu les as lues avant. Oui, moi, je les ai lues avant, puis là, je les remettais, puis je les mettais dans mon dossier, puis j'étais, OK, là, je ne peux plus les lâcher. Ça a été vraiment une grosse semaine. Et donc, du coup, oui, j'ai remporté le prix d'excellence. Qu'est-ce que ça implique pour toi, à part que t'as gagné de l'argent, il va y avoir un portrait sur le site web de la Fabrique culturelle. Exactement. Mais là, est-ce qu'il y a une implication, je sais pas, morale? De continuer, en tout cas, de me dire, maintenant que c'est fait, j'arrête d'être bonne. Non, c'est pas vrai. Ben voyons donc. Non, mais c'est une super belle tape dans le dos, disons-le. Ouais. C'est une super belle reconnaissance. Surtout que c'est les pères qui, après ça, c'est les pères qui votent. Donc ça, pour moi, c'était très important que mes collègues libraires me disent « oui, t'es bonne ». C'est quand même une grande reconnaissance. Et surtout, bon, il existe un autre prix à l'ALQ qui est une fois qu'on a fini notre carrière, on peut devenir membre d'honneur de l'ALQ. Ben, ça, c'est un prix super intéressant, mais c'est quand t'as fini. Celui-là, ce que j'aime, c'est ici, maintenant, t'es une bonne libraire. Ouais. C'est, d'ailleurs, un des buts de ce prix-là, l'année dernière, c'est Manon Trépanier qui est une grande libraire, entre autres, à la librairie francophone, la librairie à lire. C'est une super libraire. Moi, passer après Manon, c'est un super beau prix. Et c'est un prix aussi. Et t'es la deuxième. Je suis la deuxième, exactement. Et l'autre chose que je trouve importante, c'est que c'est comme justement la dernière année est très importante. Donc, un jeune libraire qui s'impliquerait beaucoup peut gagner ce prix-là. Ouais. Et ça, je trouve, pour moi, c'est important aussi de pouvoir gagner. C'est ça, c'est un prix de carrière, mais ici et maintenant, au-delà de. Ouais. T'as été bonne pendant 30 ans, non? T'es bonne dans la dernière année, parce que pour moi, ça, c'était surtout ça, la grande valeur de ce prix-là. Mais il faudrait pas oublier les autres lauréats de cette soirée-là. Exactement. Bon, Laurence Ray a été encensée ici, ouais. Et j'ai eu au moins 3 demandes de ce livre après. Fait que, on en a parlé à l'émission, et là, ceux qui nous écoutent pas dans l'équipe me revenaient, je veux absolument lire le trop dernier tard. Larry Tremblay. Ah. Mais là, trop tard. Que je vous, Larry a fait un super discours où il nous a donné les droits, il s'est inspiré de Penac, on va vraiment à s'asseoir tous les deux. Il s'est inspiré de Penac pour faire les droits du libraire. Donc, là, je donnerai pas les détails. Ils sont, entre autres, sur le site de la revue Les Libraires. Oui. Donc, il a le droit à la reconnaissance, le droit à l'indulgence, le droit à la lecture, parce que comme il dit, comment vous trouvez le temps de lire entre le défaisage de boîte et le refaisage de boîte, le droit au chapitre et le droit à la bibliodiversité. Donc, allez lire ces droits au complet sur le site, entre autres, je sais qu'ils sont sur le site de la revue. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, parce que je pense que tu es une des rares personnes qui lit plus que moi. Je sais pas comment tu fais parce que tes enfants sont plus jeunes que les miens. C'est pas ça que j'ai plus. On trouve du temps un peu partout. Hein? On voyage en autobus, on s'en est déjà parlé. Oui. Et l'autre, pour moi, l'autre grand gagnant de la soirée, moi, ça a été mon livre de l'année. C'est le quatrième mur de Serge Chenandon qui est. Parlement, personne n'en a parlé à l'émission. Écoute, ce livre-là, il est incroyablement beau. Serge Chenandon est un grand humaniste, lui aussi. C'est super, en fait, qu'on en parle la même soir quand même à Gary. Il était journaliste de guerre au Liban, entre autres. En fait, il a fait plusieurs guerres, mais il a fait celle du Liban. Et dans ses carnets, il y a toujours le côté droit où c'est le journaliste qui parle et le côté gauche, j'allais dire c'est l'écrivain, mais c'est l'homme de cœur qui prenait ses notes. Et donc, cette guerre-là, il est un des premiers à être entré dans sa brèche, Attila, ce massacre de réfugiés palestiniens, donc à Beyrouth. Ces images-là, il raconte très bien dans le livre. À un moment donné, il a vu une petite fille qui avait la même robe que sa fille chez lui. Donc, il a été très, très touché. Ces images-là le hantent depuis plus de 30 ans. Il a eu besoin de les mettre sur papier. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer Serge Chenandon il y a 2-3 ans après la sortie de Retour à Libex, où il s'était défait. En fait, là, il parlait d'un de ses amis qui avait été traître pour l'Iran, donc un de ses ex-amis. Et on sent toute la douleur de cet homme-là, de sur plein de. Mais là, dans celui-là, donc, il nous parle du Liban. Je vais revenir sur le quatrième mur. Il essaie de monter Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth sur la ligne verte à la maison et vraiment sur la ligne verte. Donc il doit avoir une trêve d'un endroit et Antigone va être palestinienne, son père va être joué par un chrétien, les gardes du corps sont druzes. Donc il essaie de mélanger tous ces gens-là, donc à vivre deux heures de paix à Beyrouth. Et c'est un rêve complètement fou, mais tout le long du livre, on y croit. On a envie que ça se passe, mais plus on avance, plus on sait que c'est à peu près impossible. Mais c'est tellement beau, ce livre-là. Et moi, en plus, je suis allée à Beyrouth en 2009. La Maison Jaune, il y a un restaurant juste à côté. Mm-hmm. C'était mon restaurant préféré à Beyrouth. Ah, en plus, tu reconnaissais les lieux. Je reconnaissais les lieux. Et le seul endroit que j'ai pas pris en photo à Beyrouth, c'est la Maison Jaune, parce que j'y étais toujours le soir, puis elle avait une grande bâche dessus. Donc, en plus, je reconnaissais. Moi, j'ai lu ce livre-là. J'avais mon iPad mini. Je me promenais dans Beyrouth avec l'iPad. Je pleurais. Le dernier soir, je savais ce qui s'en venait. Ça se pouvait pas que ça finisse bien, malheureusement. J'aimerais ça vous dire, ce livre-là finit bien, mais non, il peut. D'ailleurs, il l'a expliqué cette semaine. Il disait, Georges, qui est un peu son alter ego, je le plaçais dans une situation, puis en arrière de lui, pour être sûr qu'il recule pas, je mettais un mur. Là, j'ai coulé beaucoup, beaucoup de béton en écrivant ce livre-là, parce qu'il dit, t'as envie de reculer, mais il dit, je pouvais pas reculer pour lui. Oui. Et Et donc, c'est ça, celui-là. Donc, je l'ai terminé, il me restait 100 pages un soir. Je savais que je pourrais pas le lâcher. Je l'ai fini à 1h30 du matin. Je pleurais. Mm-hmm. Je me suis endormie à 4h du matin. J'étais tellement bouleversée. Mm-hmm. Mon conjoint a toujours refusé de le lire parce que je veux pas me retrouver dans l'état dans lequel tu t'es retrouvée pendant cette lecture-là. Ça, Chalandon, c'est vraiment un grand humaniste. C'est un grand écrivain aussi. C'est un livre qui va faire mal, oui, mais tu sais, il y a des fois, ça fait du bien d'avoir mal, là, j'ai envie de... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et ça peut avancer. Ça peut avancer, oui, tout à fait. Quelque chose. C'est un rêve fou. C'est le livre d'un rêve complètement fou, mais c'est un beau rêve. Mm. Voilà. Est-ce qu'on parle un peu de l'orangerie quand même? On peut parler un peu de l'orangerie, oui, mais quand même. Ce qui est intéressant avec les deux lauréats, c'est deux livres Qui se rejoignent énormément, parce que l'orangerie se passe, on se doute bien, au Moyen-Orient, pour connaître un peu le Liban, je vous dirais. J'avais l'impression d'être dans un milieu. Parce qu'il y a les cèdres, il y a la montagne, il y a le pays ennemi. Donc, l'orangerie. Mais il n'est jamais nommé le pays. Mm-hmm. Mais on est au Moyen-Orient, c'est sûr. Donc, mm-hmm. ces deux jeunes enfants, on demande aux parents d'en sacrifier un des deux. Pour un des deux doit devenir un martyr. Mais les parents savent qu'un de leur fils est malade. Il est condamné à mourir. L'autre est en parfaite santé. Le choix logique serait peut-être de prendre l'enfant malade, mais ils se disent, si on veut faire un vrai sacrifice, on va prendre l'enfant en bonne santé. Et c'est à brailler, ça. C'est deux livres à brailler. Et ce qui est intéressant dans les deux livres, donc il y a cette guerre-là, il y a le théâtre qui est très important dans les deux. Parce j'avais un peu l'impression d'être dans un milieu de Ouachdi. Tout à fait. On est totalement dans Ouachdi, tout à fait. Complètement, hein? Tout à fait. Oui, oui. On est dans Incendie, tout ce milieu-là est très théâtral, justement. Exactement. Et c'est ce qui se retrouve dans le quatrième mur aussi. Dans le quatrième mur aussi, oui. C'est ça. C'est deux livres qui se répondent. C'est très intéressant qu'il a gagné le même soir parce qu'il y a le théâtre, il y a le Moyen-Orient, il y a le sacrifice humain, il y a... C'était quoi les autres livres qui étaient nominés? Je sais que tu les as tous lus. Moi, je les ai tous lus, oui, effectivement. Je suis pas mal sûre de tout m'en souvenir. Il y avait Pommes d'Éric Plamondon, que moi j'ai adoré. Je les ai tous adorés en québécois. Il y avait Les Cent d'Audrey Willemny. Que je n'ai pas lu. Pommes, je l'ai lu moi aussi. Les Cent était très, très bon aussi. Le sort de bonté d'Alain Poisson. Ça, je l'ai pas lu non plus. Très intéressant. J'ai voulu le lire et ça a pas donné, mettons, parce que ça avait l'air très intéressant. Oui, c'est un livre sur la ruralité, comme on n'en parle presque plus, et d'une manière quand même, j'ai envie de dire, moderne, oui, disons-le. Là. Et d'une maison d'édition que j'aime beaucoup, le sémaphore qu'on voit très, très peu. Exactement. Qui font peu de choses, mais qui font des choses toujours très, très bien. Exactement. Donc, vaut mieux faire moins. Et qui ont 10 ans cette année. Exactement. Il faut en profiter au moins disons-le. C'est quand même pas rien. Tout à fait. Et le dernier, c'était La classe de Mme Véléry de François Blais. Dont on a parlé la semaine dernière ici. Oui. Donc, François Blais, qui est un des habitués du Prix des libraires, c'était, je crois, la troisième fois qu'il était finaliste. Puis il est souvent dans la liste préliminaire. Oui, effectivement. Ouais. Là, je t'avoue que Les étrangers, je m'en souviens plus par cœur. Donc, parce que mon grand préféré, moi, c'était Serge Chalandon. Je pouvais pas. Moi non plus, mais je lis plus de Québécois. Ouais, je lis plus de Québécois de toute manière. Et là, cette année, c'était comme la première année où j'avais lu si peu. OK. Des livres finalistes. Ils sont tous à lire dans les deux catégories, mais particulièrement québécois. Mm-hmm. Là, tu vois, dans l'étranger, il y a Louise Edrich dont on a parlé il y a deux semaines. Oui. On avait fait un petit spécial littérature amérindienne. Mm-hmm. Il y avait La saison de l'ombre de Leonora Miano. Qui est une Sénégalaise qui était au Salon du Livre de Québec. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontrée, mais elle était présente parce que c'est un spécial Sénégal cette année. Il y avait John Cambré Confiteor, qui est un étrange livre, mais un très grand livre qui se passe à Barcelone. Oui, ça, qui joue sur les épaules. Chomel nous en a parlé au mois de janvier déjà. Ça, là, il était complètement soufflé par un grand roman de savant. C'est assez impressionnant comme livre, parce qu'il joue, on parlait du jeu Will tout à l'heure, dans ce livre-là, il passe d'une époque à l'autre dans la même phrase. Et en fait, ouais. On est dans la tête d'un homme qui est en train de perdre la tête. Okay. Et à un moment donné, ben, donc on est aujourd'hui, puis là, il se retrouve dans le Moyen Âge. Et c'est une grosse brique. Et moi, non, c'est assez spécial. Et le dernier, j'arrive plus à me souvenir. C'est quoi? Ça va peut-être... Ah oui! Julianne Bonds, La femme trop tard, qui est superbe. Qui est vraiment très, très beau. Et finalement, cet été, tous mes plans sont bouleversés. Oui, tu t'es il y a tellement de choses. Moi, je proposerais qu'on prenne un petit 30 secondes de musique et on revient avec une invitation et avec un petit tour de table. De retour à l'émission Les bouquins d'abord. Barbe Rank au microphone. Je suis toujours avec Marie-Hélène Vaugeois et Cassie Bérard. Marie-Hélène, toi, tu avais une invitation à lancer. Et si tu n'avais pas été là, moi, je l'aurais lancée. Oui, c'est jeudi. Jeudi, le 12 mai. J'ai marqué le 12 mai, c'est horrible. Le jeudi, là, je sais même plus encore. Donc, jeudi qui arrive, Hélène Dorion va être à la... C'est le 22 mai. Merci, parce que j'avais marqué le 12 mai sur ma feuille. Non, c'est le 22. Ça, c'est le prix des livres, le 12 mai. Donc, le 22 mai, Hélène Dorion va être à la... Ben, au Grain de Soleil Café, qui est le café juste à côté de la librairie Vaugeois, pour une causerie que je vais animer en sa compagnie. C'est à quelle heure? C'est à 17h30. L'adresse du Grain de Soleil Café, c'est 1298 Avenue Mégoire. Suite à ça, on va aller à la librairie un petit peu pour une séance de signature. Mm-hmm. Donc, à partir, je dirais, entre 18h30, 19h, on va aller à la librairie. Mais, ça va être une belle causerie parce que c'est un beau livre. Oui, c'est très, Recommencement, très beau livre. C'est vraiment... Il y a deux livres sur le deuil de la mère qui sont remarquables cette année. Il y a Louise Dupré avec l'album Multicolore chez Héliotrope. Et d'ailleurs, qui était aujourd'hui à Radio-Canada, à l'émission littéraire. Et il y a Hélène Dorion, Recommencement. Et c'est deux livres qui se répondent aussi. Ah oui, attends, je n'ai pas encore lu l'album Multicolore. Mais ce qui est fascinant dans Hélène Dorion, c'est qu'elle réfléchit à la douleur. Ce qu'on fait habituellement quand on a mal, on est irrationnel. Mais elle arrive à rester rationnelle. Je ne sais pas comment qu'elle fait. Donc, prend la douleur comme tremplin pour aller vers quelque chose. C'est vraiment, vraiment un beau livre de deuil qui, je pense, peut aider les gens. Ah, tout à fait. Moi, c'est ça. Moi, j'ai très hâte d'en parler avec elle. Oui. Et moi, j'ai bien hâte de la revoir et de la réentendre là-dessus. Gros merci à Cassie Bérard qui est venue nous entretenir autant sur Romain Gary que sur son propre roman Cassie Bérard, D'autres fantômes chez Druid. Merci à Marie-Hélène Vaugeois, mon lieu d'échange préféré. Je trouve ça trop beau que tu as sorti ça, là, parce que c'est vrai, tu es un lieu d'échange autour du livre. Si j'ai le temps, je suis très contente de t'avoir recruté pour l'émission. Ça fait plaisir. C'est un lapsus que j'ai fait il y a 2 ans, donc au Prix des libraires, où je devais dire les librairies sont un lieu d'échange, et je me suis trompée, j'ai dit les libraires sont un lieu d'échange. Quand je me suis rendue compte, je suis partie à rire, j'ai corrigé mon lapsus et j'ai dit... Ben, les libraires aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, lundi... Tu l'as repris. Je l'ai repris, oui. Le 12. Et effectivement, vous l'êtes, les libraires. Ça, vous êtes mes pocheurs préférés. J'en ai besoin. Sinon, la vie serait pas ce qu'elle est sans la fiction, sans les livres. Gros merci à Gerrit Dogger, à la mise en onde. On va se retrouver la semaine prochaine. Ça va être la dernière déjà de cette première année des bouquins d'abord. Et on va vous proposer des trucs à lire ou à faire cet été. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, 3 adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. vendredi 23 mai 20h, le Théâtre Petit Champlain propose Sarah Toussaint Léveillé et Catherine Durand en plateau double. Mais moi, je m'en fous de toi et de tout tes tralala, s'il y a bien une seule et unique chose. Sarah Toussaint Léveillé est une auteure, compositrice, interprète qu'on dit hippie folk, garçonne bohème, confortable, un brin hipster. Chaque spectacle est différent, selon le pouls du moment. Un cinquième album en poche, Catherine Durand présente son spectacle en duo, inspiré des sonorités des murs blancs du Nord. Catherine a choisi de revisiter ses nouvelles chansons, de les adapter pour une rencontre avec son public en toute intimité. Une pluie de silence, la ville en suspens. Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Petit Champlain au 418-692-2631 ou sur le réseau Billettec. La Manif d'Art 7 prend vos sens d'assaut et vous invite à participer aux nombreuses activités qui évoluent autour du thème « Résistance » et puis nous avons construit de nouvelles formes. Pendant un mois, découvrez le travail de plus de 120 artistes partout à Québec. Le samedi 3 mai de midi à 14h et les samedis 10, 17, 24 dès 13h, Julie Gagné et l'équipe de l'aérospatiale vous donnent rendez-vous à l'espace 400e Bell, lieu central de la Manif d'Art 7 et en direct sur nos ondes. Entrevues, chroniques,